Salut tout le monde, ici Lalonde des Zones, Marc Lalonde, le micro. Toujours un plaisir d'être là à chaque semaine à vous offrir rien d'autre que la plus belle, la plus grande variété musicale francophone à travers le Canada. Cette semaine, qu'est-ce que j'ai pour vous? J'ai du Jacobus, Ronald Bourgeois, Lenny Galland, l'album La Semaine, c'est l'album, la 14e édition de Accro de la chanson, du bon stock que vous allez voir. On va entendre également du Edouard Landry, Georgian B, Billy Love Van. En instrumental, j'ai entre autres du Sean Ferguson et du Eric Saint-Laurent. Et du côté de l'Ouest, bien, c'est tout simplement du Rihanna, du Loïc Morin, Ronald Tremblay également. Donc, un bon 2 heures de musique franco-canadienne d'un bout à l'autre du pays. Restez là, je vous reviens dans quelques secondes avec le bloc des Maritimes à Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne. Bienvenue à Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne, ici Lalonde des Ondes. Très content d'être là. Mais comme vous le savez, cette émission ne se fait pas tout seul. Donc j'aimerais remercier des gens très très spéciaux qui m'aident comme ça à vous offrir un 2 heures de musique franco-canadienne. Merci à Vanessa Lisabelle de l'Arc du Canada. Merci beaucoup. Merci beaucoup aux directeurs et directrices de programmation des stations suivantes. CKJM chez Tican, WFM 98 Halifax, CFAB Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse, CKMA Miramichi Nouveau-Brunswick, CHUO la radio de l'Université d'Ottawa et CFRH la radio francophone du comté de Simcoe de la région de Barrie en Ontario. Envol 91 Saint-Boniface au Manitoba, CFRG Gravelbourg au Saskatchewan, CILS Victoria Colombie-Britannique et CIVR Yellowknife Territoire du Nord-Ouest. Merci beaucoup de diffuser l'émission. L'émission qui est aussi disponible via archive.org pour en streaming, si vous voulez. Et bien entendu, si vous avez des commentaires, suggestions, même contacts d'artistes francophones qui ont d'excellents produits en français ou instrumental, ça tourne chez vous, ça tourne nulle part ailleurs, même pas à Canrock. Envoyez-moi leurs coordonnées à canrockcdn. @commercial@gmail.com. Ça me fait plaisir de vous lire, de rentrer en contact avec ces artistes-là et sûrement les faire tourner à Canrock. On commence l'émission d'aujourd'hui avec un peu de dance hip-hop francophone. Il y a eu les prix du Nouveau-Brunswick, là. Ici East Coast Music Award et monsieur l'album francophone de l'année, c'est monsieur Jacobus lui-même. On va l'entendre avec une excellente chanson tirée de son album Le Retour de Jacobus. Voici tout simplement Ma vie, c'est un movie. Monsieur Jacques Doucet, mieux connu sous le nom de Jacobus. Ah. Ma vie c'est un movie, oh. Ma vie c'est un movie, oh. Au TV show, oh. Au TV show, Throughout the shelf, Hollywood bound, écoutez à Motown, préféré du country, Jackson 5, no, Alan Jackson, King et Hook, yo, crazy about un Volvo, laissé faire la Mercury, Freddy Krueger avec des nightmares, name drop, j'aime le code de Monte Cristo, passion of the Christ, but you point croyant, prends une bonne guest comme un clairvoyant. Ma vie c'est un movie, ma vie c'est un movie, au TV show, au TV show. Ma vie c'est un movie, ma vie c'est un movie, au TV show, au TV show. Yeah, rendu sur le big screen avec un F team, all in, all out, c'est ça de la big dream. Picasso pop dream pop comme un pop bomb, faut que tu prennes un autre puff de ta big bong. Alright, legalize pour la super size. No lies dans ma fiction, l'élection qui va parler le monde comme un TV show. Oh, ma vie c'est un movie. Commence avec la trilogy, buzzer sur ma vie. Comme ici le retour de Jacobus, suivi par le règne de Jacobus. Par la suite c'est la veine, nickname c'est le déclin de Jacobus. J'ai dit essaye, ça vaut la peine de l'écouter. Yeah, oui c'est 3 heures, popcorn avec du beurre. Le TV sur ton vent, man, leave it alone. Il fait one out hobby, golf et sur le golf course. Payer ton char, but c'est pas la même affaire. Ma vie c'est un movie, TV show. Ma vie c'est un movie, au TV show. Ma vie c'est un movie, au TV show. Ma vie c'est un movie, au TV show. Yeah, ma vie c'est un movie, au TV show. Yo, il faut une bonne histoire, chien, boy, c'est clair. Comédie au drame, faire pleurer les madames. Yo, Kleenex, des glow slam, what's up, feel bon. Chien, crack, il s'en va pour les beaux rêves. Stargate sur un date, fait qu'un milkshake. James Bond de la nouvelle écosse, c'est cliché, petit dieu, ouais. Cliché, petit dieu, ouais. Yeah, t'aimes mon accent, ça c'est bien cute. Faire comme la TV, mettre ça sur mute. Next question, c'est pas vraiment ma mission, but ma vie c'est un movie. Ma vie c'est un movie, TV show. Ma vie c'est un movie, au TV show. Ma vie c'est un movie, au TV show. Au TV show. Mais ça arrive de temps en temps. Nos têtes se sont mises à tourner, mais non pas de la mauvaise way. Nos pieds flottaient, nos hanches couvaient. Tout le monde autour nous regardait. Laissons nos pensées se perdre dans le vide pour arrêter le temps. Le temps d'une minute, le temps d'une vie, suspendu un moment. Ah, les lumières scintillaient fort, projetant du glitter sur nos corps. Tout le monde riait, tout le monde s'aimait. Y'a personne qui ne se souciait de rien, de rien, de rien pantoute. On ne vit qu'une fois, vie coûte que coûte. On se le dit pas assez souvent, mais on se le disait ce soir-là. Laissons nos pensées se perdre dans le vide pour arrêter le temps. Le temps d'une minute, le temps d'une vie. C'est nos âmes, si tu crois dans du stuff comme ça. Elle pirouettait sur le dance floor, et moi je me suis rendu là. Au sens où ils rivalisaient, les reflets de la boule miroir. Pour une seconde je me suis cru dans la plus glorieuse histoire. Loin de la grande ville, loin de ces cheap thrills. Loin de la grande ville, loin de ces cheap thrills. Laissons nos pensées se perdre dans le vide. Yeah. Joseph Edgar, le Bob Dylan acadien, comme je le nomme souvent. Très, très intéressant ce qu'il fait comme produit. Je sais que ces temps-ci, il était en Europe, là, en France. Ça a bien pogné aussi. Et là, il vient de nous sortir ce nouvel extrait, Boule Miroir. Et c'est tout simplement du Joseph Edgar. C'est sa nature, c'est sa musique, ses mélodies, ses textes et son timbre de voix magnifique. Donc, très content de faire tourner ça à Canrock. Là, je vous amène du côté de Chétican, du 17 juillet au 15 août, de 20h à 21h15. Les mardis et mercredis, il y aura un spectacle à l'église, à la chapelle, à l'église Saint-Pierre, du côté de Chétican. C'est un gars de Chétican, justement, hein, Ronald Bourgeois, qui sera en spectacle tous les mardis et mercredis, du 17 juillet au 15 août. 20h, ça commence, l'entrée est gratuite. Les dons seront acceptés, bien sûr, pour la communauté. Donc, et puis ça risque d'être assez intéressant, merci. Ronald Bourgeois qui vient justement, là, de, comme je disais, de la région de Chétican. Et c'est un des grands auteurs, compositeurs, interprètes de la région de Chétican comme tel. Donc, et puis on va entendre une excellente chanson de lui. On va entendre tout simplement « Viens avec moi », tiré de son dernier album. Assez intéressant. Il y a aussi Whisky Whisky qu'on va entendre de Claude Cormier qui, lui, lance un album à la fin juin. Et puis, on va terminer ça avec Lenny Galant et Voulez-vous danser? Avec moi, on va aller danser sur le bord de la petite rivière. Toute la semaine à travailler cher, c'est dur d'oublier sa misère. Viens avec moi, on va aller danser comme on faisait quand t'es jeune. Toute la nuit, on était sous le charme de l'amour et les jours courts et la terre est tourne en attendant le paradis, l'espoir porté par la vie. Avec moi on va s'envoler, aller jouer dans les étoiles, se saouler de liberté, s'amuser comme des ivres. Viens avec moi on va s'envoler, aller jouer avec les anges, briller comme des étoiles filantes chères et déchirer le firmament et les jours courts et la terre elle tourne en attendant le paradis, l'espoir porté par la vie et les jours courts. Et la terre est tombée en attendant le paradis, l'espoir porté par la vie. En attendant le paradis, l'espoir porté par la vie. Verdier apporte la bouteille, soir je me croche les pieds. Y'a du beau monde ici qui veille, je veux en profiter. Les musiciens jouent comme des dieux, tout le monde chante avec eux. Au fond du bord, les gars qui mordent, débouchent le fond. Joue-le! Whisky, whisky, tu me fais danser. Whisky, whisky, tu me fais crier. Quand je caresse la bouteille, tout d'un coup elle me réveille. Whisky, whisky, tu m'appelles. Réchauffer. Mon regard s'est arrêté sur celle qui montrait son décolleté. Il s'en vient en le même jour encore, les lumières vont pas tarder. Un dernier crinement, ceux qui boivent encore, c'est la scole pour la soirée. Whisky, whisky, tu me fais danser. Whisky, whisky, tu me fais crier. Quand je caresse la bouteille, d'un coup elle me réveille. Whisky, whisky, tu m'appelles. Brille dans le ciel et le vent prend ses ailes. ça va bien aller. Laisse la brise te caresser, laisse le violon voler ton cœur. On va danser. Lenny Galant, tiré de son album Le Vent Bohème, Voulez-vous danser? Très, très, très belle chanson, très entraînante. Et Lenny Galant est un des auteurs d'une chanson qu'a écrit très, très longtemps, qui s'appelle Acadie dans mon cœur. Et cette chanson-là, eh bien, on l'a repris cette année pour en faire le thème officiel, la chanson officielle du Congrès mondial acadien de 2019. Je vous donne une adresse, tout simplement le cma2019.ca pour avoir tous les détails au sujet du Congrès mondial acadien de 2019 qui se tiendra du 10 au 24 août 2019 à l'île du Prince-Édouard et sud-est du Nouveau-Brunswick. On est à 457 jours, 21 heures et 35 minutes de l'ouverture du Congrès mondial acadien. Et si vous allez sur cette page-là, vous avez accès à l'information sur la programmation, la région hôtesse, les rencontres de famille, des informations pratiques, comment devenir bénévole aussi. Ça vous tente de participer à ce congrès mondial acadien-là en tant que bénévole, eh bien, vous allez sur le cma2019.ca et vous avez toutes les informations, les détails voulus pour ça. On vous donne également quelques nouvelles comme telles et on va y aller, si vous voulez bien, en musique avec tout simplement la chanson thème de cette année, une belle reprise d'un classique de Lenny Galant. Voici tout simplement Acadie de mon cœur, les artistes du Congrès mondial acadien 2019. Enfin c'est ton heure, tes enfants reviennent dans tes bras. Séparés par la mer pendant les années tristes, dispersés à travers, on n'avait pas eu le choix de partir. C'est le temps pour se revoir, chanter, danser ensemble, où ça a tout commencé, plus de 400 ans passés. Acadie de mon cœur, enfin attiré par les racines. T'es mon frère, t'es ma sœur. Je t'ai point connu jusqu'à ce temps. Je peux voir dans tes yeux comment t'as pas pu oublier. Acadie de nos cœurs. Dans tes bras, Acadie de nos cœurs, enfin c'est ton.